عطاها فرصه لبنان هذا الشخص. ايه مالها مالها مقلقه ضحك عليها. ناي بواسون بيغا بريفا. جو بوا مون فير مون فير. هاكي شربي سكتي. وازي سي بون سي بون يلا. بس ساتريغا او سي جامي كاش ما يصرا لك ما عندك الجنينه لا تكاش علي بون سواري طفياش J'passe les rapports. Hein? Aventador. Bébé, j'ai le même vaisseau qu'Albator. On sort de la capitale, bébé veut s'en aller. Le pied sur la pédale, j'bombarde ton K2000. On sort de la capitale, la 200 va à l'heure. Le feu que me débat quand j'm'arrête dans la ville. On sort de la capitale, bébé veut s'en aller. Le pied sur la pédale, j'bombarde ton K2000. On sort de la capitale, plus de 200 va à l'heure. Le feu que me débat quand j'arrive dans la ville. Vous m'entendez, monsieur? Faut se réveiller.